Yeah. Nero. Gang. Auger Production. Kalash Krimi. Lucio Loco. Gang. Da hab um mein Hals. Leben voll Gewalt. Lucio macht Krawall. Deutsche gibt Oral. Nero. Da hab um mein Hals. Leben voll Gewalt. Lucio macht Krawall. Deutsche gibt Oral. Nero. Kaputt, Psycho, Straße, Puto. Frag mich nicht wieso. Herkunft und Tin, Handy, Liga, lass mal dein Jojo. Police, Usain Bolt, komm kurz runter, Marlboro Gold. Bring die Packets nach die Bandzoll. Lusso, Loco, G-Klasse Roll. Rolli, Dejas, Taui, Tina, volle Teller, Gelder, schneller. Loco, Brecher, Rolli, Glitzer, kalt wie Winter, Deutschrap, Kinder. Ferrat, Mogo, Gang, Gang, Loco, Flex im Trikot, Brille, Bolo. Das ist ein Jojo, Coca, Nono, Musa, Kongo, Pate, Jumbo. Loco Squad, avec moi, 9-3, avec moi. Sauvagerie, avec moi. Loco Squad, avec moi. Avec moi, 9-3, avec moi, sauvagerie, avec moi, Loco Squad, Kalash Krimi, Afrika Sauvage, Lusso Loco, Ice Maskin, Kalash Krimi, Afrika Sauvage, Lusso Loco, Ice Maskin, Belly Paris, Afrika Sauvage, Belly Paris, Afrika Sauvage, Belly Paris, Afrika Sauvage, Kalash Krimi, Ice Maskin, Lusso Loco. J'ai plus de cadavres à mon actif qu'un cimetière chinois. J't'ouvre le crâne en deux à la machette, comme un quinoa. Elles aiment les mauvais garçons, rude boy comme Rihanna. Tu sens, on est très mauvais. Vilda Africana. Comme Luciano, je suis loco. Que des rafales semi-auto. Y'aura du son sur ton tricot. Pendant ce temps-là, j'suis en train de fédo. Fort comme un turc. Solide comme un russe. Trop gentil, tu l'as dans le huc. Frappe de Marco Royce. J'vais grimper la température. Très mauvais le tempérament. Roulant Merco toute l'année. Ça, c'est mon côté allemand. Ima Vilda. De plus en plus sauvage. Ima Vilda. De plus en plus loco. Ima Vilda. Paris, Berlin. Ima Vilda. Kalash Krimi. Afrika Sauvage. Lusso Loco. Kalash Krimi. Afrika Sauvage. Lusso Loco. Belly Paris. Afrika Sauvage. Belly Paris. Afrika Sauvage. Belly Paris. Afrika Sauvage. Kalash Krimi. Kalash Krimi. Afrika Sauvage. Lusso Loco. Ice Maskin. Kalash Krimi. Afrika Sauvage. Lusso Loco. Ice Maskin.